بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui la deuxième partie de cette conférence au sujet de l'importance de la salat et du fait que les musulmans ont l'ordre de faire la salat et de prier, peu importe où ils sont, même si c'est à l'école. Hein? C'est important de clarifier ça, comme on en a parlé au dernier cours, parce que beaucoup de musulmans à notre époque, ils ont mal compris la signification de l'éducation en islam. Et donc, ils séparent la religion de l'éducation, ou ils séparent l'éducation de la religion, comme si c'était deux choses différentes. Alors que sans religion, il n'y a pas d'éducation. Sans tawhid, il n'y a pas d'éducation. Sans salat, il n'y a pas d'éducation. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. Et on a commencé donc à expliquer, premièrement, c'est-à-dire avant de parler du fait qu'il est obligatoire pour un musulman de faire la salat, même s'il est à l'école, il est important de clarifier, et il était important de clarifier, quel est le verdict pour les parents musulmans d'envoyer leurs enfants dans des écoles non musulmanes. Et on a parlé au dernier cours de ce que les ulama ont dit au sujet d'envoyer les enfants dans des écoles non musulmanes dans les pays musulmans. C'est-à-dire les écoles étrangères qui sont ouvertes dans certains pays musulmans. Et on retrouve par exemple en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, dans les pays du Golfe, dans différents pays, dans les pays musulmans, des écoles internationales, des écoles américaines, des écoles françaises, des écoles anglaises, des écoles de différents pays qui sont en grande partie laïques aujourd'hui. Au départ, à l'origine, souvent, ces écoles-là, c'était des écoles missionnaires, c'est-à-dire qu'elles étaient gérées par des prêtres et par des religieuses, et ils avaient bien entendu un objectif religieux derrière, parce que c'était dans le but de christianiser la population musulmane. Mais aujourd'hui, avec la laïcisation des écoles, eh bien, l'objectif est devenu différent. Et les koufars disons, de l'Occident ou de l'Orient, peu importe, eh bien, ils n'ont plus uniquement comme objectif de vouloir christianiser les musulmans. Mais s'ils se sont dit, si on n'est pas capable de les faire devenir chrétiens, au moins on va essayer de faire en sorte qu'ils quittent l'islam. Même si ce n'est pas pour devenir chrétiens. L'important, c'est qu'ils deviennent athées ou qu'ils deviennent laïcs, ou qu'ils deviennent matérialistes comme nous. Hein? Et s'ils arrivent à cet objectif-là, ils sont satisfaits. Donc ça fait partie de leur objectif. Et il faut comprendre aussi que même dans les pays chrétiens, qui sont à l'origine des pays chrétiens, les écoles sont devenues laïques avec cet objectif-là. C'est-à-dire de faire en sorte que les enfants ne soient plus des chrétiens, ne soient plus des croyants ou des pratiquants. D'accord? Ici au Québec, les écoles et l'éducation étaient toujours confessionnalisées. C'est-à-dire que les commissions scolaires ont toujours été des commissions scolaires confessionnelles. C'est-à-dire soit catholiques ou protestantes ou juives. Et là, maintenant, elles sont devenues les écoles déconfessionnalisées. Ça veut dire qu'ils ont travaillé pour faire en sorte que ce ne soit plus des commissions scolaires affiliées à une religion, soit catholique ou protestante, mais que ce soit laïque. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'ils ont appelé la déconfessionnalisation du système d'éducation. Moi, toute mon enfance, j'ai grandi, j'ai été à l'école catholique, dans la commission des écoles catholiques de Montréal. Hein? On appelait ça la CECM. Et aujourd'hui, c'est plus la CECM, maintenant c'est la CEM, je crois. Commission des écoles de Montréal. Ils ont enlevé l'aspect religieux dedans. Et juste pour vous donner une petite anecdote de qu'est-ce que j'ai vécu lorsque je me suis converti à l'islam, alors que j'étais étudiant au secondaire. Quand je me suis converti, j'avais 16 ans. Et j'étais lorsque je me suis converti, j'étais en secondaire 4, c'est-à-dire la quatrième année de secondaire. Et j'ai commencé à faire la salat à l'école. À l'époque, alhamdoulillah, yani, disons que j'ai commencé à faire la salat et je me suis converti à l'islam après. Et après, j'ai cherché des musulmans dans l'école. Il y avait beaucoup de gens qui sont musulmans, mais parmi les élèves, il n'y avait aucun qui faisait la salat. Non. Il y avait beaucoup de musulmans dans cette école-là de différentes origines, des Turcs, des Maghrébins, hein, et d'autres, des Pakistanais, des gens du Bangladesh. Mais aucun d'entre eux faisait la salat à l'école. Donc moi, quand j'ai commencé à faire la salat, j'ai cherché des élèves qui pouvaient prier avec moi. Et j'ai trouvé, il y avait un seul jeune qui a, barakallahu fik, jazakallahu khairan, un seul parmi les élèves là-bas qui venait prier avec moi, c'est un jeune frère marocain qui s'appelait Mohsen. Et on faisait la salat ensemble le midi. Et subhanallah, on faisait la prière dans le couloir. Et parfois, si on trouvait par exemple une classe, on la faisait dans une classe vide, mais en général, on le faisait dans le couloir. Et une fois, on a prié dans un des couloirs, on a prié devant un ascenseur. Et cet ascenseur-là, bon, nous, on était devant la porte, c'est-à-dire face au mur, mais l'ascenseur est derrière notre dos. Parce qu'on faisait toujours attention de ne pas se mettre dans le chemin pour bloquer le passage. Donc, on s'est arrangé pour que les gens puissent passer derrière nous. Et lorsqu'on a fait la prière à cet endroit-là, c'est l'ascenseur des professeurs, en fait. Donc, chaque fois que les professeurs sortaient de l'ascenseur, ils nous voyaient prier, ils nous ont vu prier là. Et les directeurs adjoints se sont tous réunis et ils ont tous vu qu'on était en train de prier là. Ça a créé un peu de commotion, comme on dit. Les gens ont été un peu surpris. Et parce qu'on n'avait pas d'endroit assigné spécifique pour qu'on puisse faire où on pouvait faire la salat. Alors le directeur adjoint, un des directeurs adjoints m'a offert son bureau pour faire la salat. Alors chaque midi j'allais dans son bureau faire la salat. Et parfois quand j'arrivais pour faire la salat dans son bureau, il était dans le bureau, il s'excusait et il sortait pour me laisser faire la salade. Je lui dis, mais vous pouvez rester. Vous pouvez rester à votre bureau. Il disait, non, non, je vais te laisser pour que tu puisses prier. Ou des fois, j'étais en train de faire la salade dans son bureau et lui, il arrivait pendant que je faisais la salade et il disait, oh, je m'excuse. Et puis, il sortait. Voyez-le, comme si le respect que malgré que c'est des koufars, c'était des chrétiens, des catholiques. Monsieur Caponi, c'était un Italien, yani. Mais il respecte d'une certaine façon, hein, et puis il te donne la possibilité de pouvoir faire ta salade. D'accord? Et je me rappelle une fois, je suis allé voir l'infirmière, j'avais quelque chose, je ne sais pas si je m'étais fait mal ou quelque chose comme ça. Et puis là, l'infirmière, on discutait, puis j'expliquais que je suis devenu musulman et tout ça. Puis elle me disait, ben tu vois, maintenant, étant donné que l'école elle est catholique, et là, les musulmans ne peuvent pas avoir un local de prière dans l'école catholique parce que c'est pas catholique. Il faut que ce soit seulement pour les catholiques. D'accord? Mais il me dit, mais quand on va déconfessionnaliser les écoles et que l'école va devenir laïque, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un local, vous les musulmans, pour que vous puissiez faire la salat. Ça, c'était l'argument derrière, en voulant dire que quand ça va être laïque, toutes les religions pourront pratiquer leur religion librement, soi-disant. Alors qu'on faisait notre salat librement. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont déconfessionnalisé les écoles et que c'est devenu laïque? Est-ce qu'ils ont donné la locale de prière pour les musulmans? Non. Sous prétexte qu'ils ne pouvaient pas donner local aux musulmans pour faire la salat parce que c'est une école laïque. En voulant dire, vous ne pouvez pas prier dans l'école parce que ce n'est pas une école, ce n'est pas religieux. Et vous avez pas, vous pouvez pas pratiquer votre religion à l'école parce que c'est laïque. Donc, comment ils ont fait la promotion de la laïcité comme étant la possibilité d'avoir la liberté de pratiquer notre religion? Une fois qu'ils ont installé la laïcité, eh bien, ils ont exprimé clairement que c'était justement un prétexte pour empêcher par la suite les gens de pouvoir pratiquer leur religion. Donc, les gens qui font la promotion de la laïcité, ils essaient toujours de faire croire aux gens que la laïcité protège le droit des religions et que donne la liberté aux gens de pratiquer leur religion. Alors que ce qu'on constate dans la réalité, c'est que la laïcité est le premier obstacle qui est, yani, qui est établi pour empêcher aux musulmans justement de pouvoir pratiquer leur religion librement. Et même que maintenant c'est devenu, dans certains pays, en particulier la France, un prétexte pour même interdire aux musulmans de pratiquer leur religion dans les lieux publics. Alors qu'en principe, les lieux publics appartiennent à tout le monde. Donc tout le monde aurait le droit de pratiquer sa religion où il veut. Hein? Tout ça pour dire, Yanni, c'était juste une anecdote que je voulais partager avec vous pour vous faire voir un peu comment les laïcs sont rusés et comment ils rusent parce que leur objectif c'est de créer une société athée, une société sans foi, sans religion. Hein? C'est pas vrai qu'ils prétendent que, comme ils prétendent qu'eux, ils respectent toutes les religions. En réalité, ils détestent toutes les religions et ils veulent bloquer et empêcher que la religion musulmane yani, se propage. Malgré eux, parce qu'ils ne seront jamais capables. C'est la religion d'Allah, Azzawajal. Maintenant, je vais vous lire dans ce que j'ai préparé, dans les 27 pages, ce que je vous ai préparé sur ce sujet, une parole maintenant du cheikh Abdurrahman Sa'di, dans une risale qu'il a écrite qui s'intitule Nasihatun Mukhtasaratun. في الحث على التمسك بالدين والتحذير من المدارس الأجنبية. Ça, c'est juste une petite risale. Hein? Dans les 27 pages que j'ai préparées, ça fait uniquement. Je pense que c'est juste deux pages, deux ou trois pages, cette risale-là. Donc, attendez, je vais vous dire exactement. Oui, c'est ça. Donc, ça commence à la page 2, ça finit à la page 7. D'accord? Donc, le cheikh As-Sa'di, il dit dans ce livre, bon, je vais traduire le titre, c'est un conseil résumé au sujet de l'incitation à se cramponner à la religion et la mise en garde, hein, et l'avertissement contre les écoles étrangères. Quand on dit les écoles étrangères, c'est-à-dire les écoles non musulmanes. D'accord? Et il dit, Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, faslun. Vous savez que Cheikh As-Sa'di, c'était le professeur de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Vous connaissez Cheikh ibn Uthaymeen? Bon, Cheikh As-Sa'di, c'était son professeur, son cheikh. D'accord? Donc il dit فصل ومن الأصول العظيمة المهمة لصلاح الدين والدنيا السعي في إصلاح التعليم وإصلاح الأخلاق ولهذا يجب العناية التامة في جميع المدارس والمعاهد والتعليم الابتدائية والنهائية في تعاليم الدين وفي تطبيق أخلاق الدين على المعلمين والمتعلمين، ولهذا أثره الفعال في حسن نتائج التعليم وحصول ثمراته الدينية والدنيوية. فتعاليم الدين إذا جعلت هي الأساس والأصل في التعليم ثم طبقت التعاليم الأخرى عليها، وأنها من وسائلها ومما يعين عليها وكلها ترجع إليها، فإن الدين يهدي ويرشد للتي هي أقوم وأصلح من جميع العلوم التي تفيد الناس في دينهم ودنياهم، ويستغنون بها عن الأجانب. Donc ici, on va lire cette première, on va traduire ça en premier. Cheikh, il explique ici que parmi les fondements immenses et importants de la religion, il y a le fait de, et dans lequel il y a un bien pour les musulmans dans leur religion et dans leur dunya, dans leur vie d'ici-bas, il y a le fait de faire des efforts pour réformer l'enseignement et de réformer le comportement, la morale. Et il dit c'est pour cette raison qu'il faut faire un effort et donner une importance immense aux écoles, aux institutions d'enseignement, à l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire et terminal, pour qu'il y ait l'enseignement de la religion à tous ces niveaux-là. Et pour mettre en pratique les comportements et la morale religieuse de l'islam, pour qu'elle soit appliquée par les professeurs et les élèves. Et cela aura un impact concret dans les bons résultats de l'enseignement et dans l'obtention des fruits escomptés, c'est-à-dire les fruits qu'on recherche à obtenir, qui sont des fruits dans la religion et dans la dunya. Donc que ce soit l'enseignement religieux ou l'enseignement de la dunya, si on met au centre de l'éducation et de l'enseignement l'enseignement religieux et l'enseignement des principes de l'islam, eh bien ça va faire en sorte que on va pouvoir récolter les fruits de l'enseignement réel. Donc contrairement à ce que les laïcs, parce que la réalité c'est que je ne peux pas concevoir ou croire qu'une personne qui croit sincèrement en sa religion puisse être un laïc. Puisque si quelqu'un est sincère et qu'il croit réellement que sa religion, c'est la religion d'Allah, c'est la religion de la vérité, c'est le chemin vers le paradis, et tout autre chemin, c'est le chemin vers l'enfer. Celui qui est convaincu de ça, et qui n'a pas de doute en cette réalité-là, comment est-ce qu'il pourrait accepter que quelque chose d'autre que l'islam soit la base et le fondement de sa société et de ce qui dirige et ce qui gère sa façon de vivre? Est-ce que quelqu'un qui croit en avec conviction en la véracité du message d'Allah et de la parole d'Allah peut accepter de vivre selon des principes qui contredisent cette religion-là? C'est pas possible. Donc si moi, par exemple, supposons que je suis le dirigeant d'une société quelconque, et je sais que l'islam c'est le haq, que le Coran c'est le haq, que la sunna c'est le haq, et je choisis volontairement et intentionnellement de juger par ce qui contredit ce qui est dans le Coran et dans la sunna, il y a un problème. Parce que c'est une contradiction. Et donc, Le cheikh, il continue en disant, l'enseignement de la religion, si on en fait le fondement et la base dans l'éducation et dans l'enseignement, et qu'on applique les enseignements de la religion, hein, on applique l'enseignement de la religion et les principes de la religion aux autres matières, hein, et on les considère les autres matières, qui sont des matières non religieuses, mais on considère que ces matières-là font partie des causes ou des moyens qui aident à pratiquer la religion. Parce que tout ce que tu vas apprendre parmi les autres sciences de la dunya sont des sciences qui vont pouvoir t'aider à mieux pratiquer ta religion ou à aider à établir la religion d'Allah. Hein? Parce que tu vas apprendre les mathématiques, tu vas apprendre la physique, tu vas apprendre la chimie, tu vas apprendre la biologie, tu vas apprendre toutes sortes d'autres matières. Hein? Bon, la philosophie, c'est en dehors, on n'a pas besoin de ça. Mais on va apprendre la religion, les sciences de la dunya et tout ce qu'on a besoin pour établir une vie sociale qui est basée sur des principes solides. Le fait que la religion soit au centre de tout ça, c'est ce qui va faire que tout le reste va se tenir. C'est le ciment, c'est le centre, le cœur de tout le reste. Une société sans religion, sans foi, sans conviction, c'est une société qui est morte. Elle est morte, cette société. Il n'y a rien qui retient les éléments qui composent cette société-là ensemble, même si eux, ils prétendent qu'ils sont unis par des principes. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun principe qui les réunit, puisqu'ils sont tous en train de se déchirer les uns les autres, ils se détestent tous les uns les autres. Hein? Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe quand il y a des élections en Europe, hein, même aux États-Unis. Ils se détestent. Hein? Les démocrates détestent les républicains, les républicains détestent les démocrates. Les gens de la droite détestent les gens de la gauche, les gens de la gauche détestent les gens de la droite. Et les gens qui se considèrent comme étant des habitants de souche de ce pays détestent tous ceux qui viennent de l'extérieur ou qui ont des origines étrangères, et ainsi de suite. Donc, c'est des gens, ils prétendent qu'ils sont unis par quelque chose, en réalité, ils sont tous interdivisés et ils se détestent tous les uns les autres et leurs cœurs sont désunis. Comme Allah il le dit dans le Coran, Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont déchirés. Hein? Donc, si on fait de la religion le cœur, la base de la société et de l'enseignement et de l'éducation, toutes les autres matières qui sont enseignées en dehors de la religion sont considérées comme des matières qui vont aider justement à établir la religion. Et elles reviennent toutes à la religion. Donc, c'est la religion qui aide, qui oriente et qui guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus bon dans toutes les différentes sciences qui vont être profitables et bénéfiques dans la dunya et dans l'au-delà. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de qu'est-ce qui vient des koufars ou des gens d'ailleurs. Et si on a besoin dans certains domaines, une fois qu'on a obtenu cette science qu'ils possèdent et qu'on est capable de la maîtriser soi-même, on n'a plus besoin de se retourner, hein, à eux par la suite. Donc ça, c'est très important. Parce que ça veut dire que, regardez par exemple quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui est matérialiste. Quand il apprend la science, quand il étudie les sciences, il va faire quoi avec cette science? Il va utiliser la science pour faire de l'argent et il voit que le profit et les intérêts matériels qui en découlent. Il ne voit pas le bien-être de l'humanité, il ne voit pas l'intérêt de l'humanité, il ne voit pas les priorités de l'environnement ou de la santé ou du bien-être des peuples. Tout ça leur est égal complètement. Pourquoi? Parce que l'important pour eux sont les intérêts économiques seulement. Hein? Donc, si tu regardes, par exemple, qu'est-ce qu'ils font comme dépenses, comme recherche, comme argent, leur argent, comment ils le dépensent, et toute la science qu'ils possèdent, dans quoi ils l'utilisent, tu vois clairement que les choses qui orientent leur connaissance, c'est pas la foi, c'est pas la religion d'Allah, c'est pas la vérité, hein? C'est basé sur le bâtil. Donc ça leur est égal qu'ils détruisent la nature, que ça leur est égal qu'ils tuent des innocents, qu'ils exterminent des populations, qu'ils rendent malades des millions d'êtres humains, hein? Qu'ils créent des armes de destruction massive qui vont détruire et décimer des populations. Tout ça leur est complètement égal. Parce qu'ils voient la vie seulement d'un point de vue matérialiste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de religion. Hein? Tandis que le musulman, lorsqu'il... Et j'ai entendu une parole de Cheikh Rabia, et cette parole, elle m'a vraiment plu beaucoup. Il expliquait, il disait, lorsque le musulman salafi, il est, je paraphrase, je ne dis pas la phrase, la citation telle quelle, mais le sens de ce qu'il disait, c'est que le musulman salafi, qui est sur le Coran et la Sunna, quand il enseigne les mathématiques, on peut voir découler de son comportement et de son enseignement sa salafia. C'est-à-dire que même quand il enseigne des sciences qui ne sont pas religieuses, tu vois, yani, exprimé dans sa façon d'enseigner, dans sa façon d'expliquer, dans ses enseignements, tu vas voir sa aqida qui découle dans ça aussi. Tu enseignes la biologie, tu laisses paraître ta salafia dans la biologie aussi. Dans le sens que tu ramènes toujours dans le cœur des élèves la foi en Allah et le fait que c'est lui qui est le créateur et que c'est le maître qui a créé et formé et organisé toute la création et qui contrôle toute chose. Tu ne vas pas enseigner la biologie comme la façon comment le biologiste matérialiste, marxiste ou athée, comment lui il enseigne la biologie. Quand il parle, il dit, ah mais ça c'est la nature qui fait les choses et c'est comme ça parce que c'est la nature. Hein? Non, non, le musulman, sur la sunna, il enseigne la biologie. Il dit, ça c'est Allah qui l'a créé, et c'est comme ça qu'il l'a créé. Et ça fait partie des merveilles et des signes d'Allah Azzawajal dans sa création. Comment il a créé la cellule, comment il a créé l'ADN, comment il a créé telle chose et telle chose. Toutes ces choses-là qui se produisent dans le corps, le système. Le système sanguin, le système respiratoire, le système reproductif, tous ces systèmes-là qui existent dans le corps, le système digestif, c'est Allah Azzawajal qui l'a créé. Et c'est lui qui a fait que ce soit créé de cette façon-là et qui est parfaite. Donc ça ramène dans le cœur des élèves une aqida, une conviction. Hein? Ça, c'est tawhid al-rububiyya. Hein? Donc, il confirme la foi et il inspire aux élèves la foi. La même chose quand il enseigne la physique ou la chimie. Hein? Il ne leur dit pas, mais pourquoi tel électron et tel proton et tel atome, ils se mettent ensemble pour former telle molécule et pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça? Il explique les réactions, il explique les choses, mais en même temps, il ramène tout à Allah Azzawajal en disant, tout ça, c'est parce que c'est Allah qui a établi ces lois. Ces lois-là fonctionnent parce que c'est Allah qui les a établies, ces lois. Et rien ne peut contredire les lois d'Allah Azzawajal dans la création. Hein? Ces lois-là ne sont pas apparues toutes seules par elles-mêmes, hein? Dans la création. Donc tout ça, c'est important. Et dans tout le reste également. Hein? Ils ne vont pas enseigner, par exemple, les théories matérialistes des darwinistes, de l'évolution, hein, que l'homme est un descendant, descendant de... C'est-à-dire que l'être humain et le singe ont un parent commun à l'origine, qu'ils descendent d'une espèce commune de singe. Et le singe qui descend d'un autre, d'une grenouille, et la grenouille qui Coco, ça descend. fait sa peine. Coco Ouais. habilis. Ouais. Donc, il faut enseigner la aqida, même si ces gens-là, ils prétendent que qu'est-ce qu'ils enseignent, c'est scientifique, alors qu'on sait très bien que ça n'a rien de scientifique. Hein? C'est plutôt des histoires de science de science-fiction ou des trucs de contes de fées. Non. Les règles de la création, la façon comment Allah il gère et il contrôle l'univers. Non. C'est comme Kauni. Kauni qadari. C'est Kauni qadari. Parce que le Kaun, c'est qu'est-ce que Allah a créé. Hein? C'est l'univers, la création. Qala lahu kun fakan. Huwa le Kaun. Hein? يستغنون بها عن الأجانب وي, je continue la suite. Il dit ويعلم بذلك غلط من قصر نظره وعلمه وضعفت بصيرته حتى قدح في علوم الكون وفي العلوم العصرية النافعة وأعظم منه غلطا من قبل جميع ما قيل أنه علوم عصرية نافعها وضارها وخيرها وشرها فإن الواجب التمييز التمييز بين العلوم العصرية النافعة التي لا تؤثر في العقائد الدينية آثارا ضارة وبين العلوم العصرية التي سلكت ما لا سبيل لها إليه من النظريات الخاطئة الباطلة المبنية على الجهل والضلال وعلى خلاف المعلوم من دين الرسل. Donc ça c'est un point important que Cheikh Al-Sa'di il explique ici, il dit et on sait par cela l'erreur de celui qui a limité son observation et sa science et qui a peu de compréhension des choses, qui a commencé même à critiquer ou attaquer les sciences naturelles ou les sciences de la création qui sont bénéfiques. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont eu cette attitude réactionnaire de vouloir critiquer tout ce qui vient de l'Occident sans distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, sans distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et ça, c'est une attitude qui est incorrecte. Ce n'est pas parce que quelque chose vient de l'Occident que c'est nécessairement mauvais. Si il ramène quelque chose qui est vrai et qui est bon, alors dans ce cas-là, on a autant le droit d'en profiter qu'eux. Hein? Et comme on dit, il y a un hadith qui dit « Al-hikmatu dalatul mu'min » Hein? C'est-à-dire la sagesse, c'est l'objet perdu du croyant. Là où il la trouve, il la prend. Hein? Donc, les koufars ne peuvent pas dire cette science-là, elle est à nous. Et personne d'autre peut la maîtriser. La preuve, eux-mêmes, ils l'ont pris des musulmans à l'origine. Hein? Lorsqu'ils ont traduit, pendant le Moyen-Âge, ils ont traduit les ouvrages des savants arabes, ils les ont traduits dans des langues européennes. Et après, ils en ont profité. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui leur est exclusif. Hein? Si un penseur ou un savant chinois ou indien ou peu importe son origine découvre quelque chose, toute l'humanité peut en profiter si c'est bon et si c'est bénéfique. Tout le monde peut en profiter. Hein? Donc, si c'est des sciences modernes qui sont bénéfiques, eh bien, on en profite. Et il dit l'erreur qui est plus grande encore de la part de certains, c'est ceux qui mettent toutes les sciences modernes dans le même paquet, sans distinguer ce qui est utile et ce qui est nuisible, ce qui est bon et ce qui est mauvais, et qui rejettent tout d'un bloc. Ah, ça, tout ce qui vient des koufars, on doit le rejeter, on ne le prend pas. Non, ça, c'est pas correct. L'obligation, le cheikh, il dit l'obligation, c'est de distinguer entre les sciences modernes bénéfiques qui n'ont pas d'effet néfaste sur la croyance religieuse et les sciences modernes qui ont emprunté des voies basées sur des théories erronées et fausses qui sont basées sur l'ignorance et l'égarement. Celles-là, on va les rejeter parce qu'elles sont en contradiction avec ce qui est connu de la religion des messagers. D'accord? Donc ça, c'est la façon intelligente et claire dont le musulman avec laquelle le musulman distingue entre les choses. Il dit, فَكَمْ لِهَذِهِ الْعُلُومِ الضَّارَّةِ مِنَ الْآثَارِ وَالنَّتَائِجِ الْقَبِيحَةِ وَكَمْ أَهْلَكَتْ مِنْ دُعَفَاءِ الْبَصَائِرِ ومن ومن لا معرفة لهم بالدين من أمم وكم كان المشتغلون بها أعداء لدينهم وقومهم وأوطانهم وسلاحا للأعداء عليهم. Donc il parle ensuite de l'effet néfaste de ces sciences modernes qui sont basées sur des théories erronées et fausses qui contredisent la religion et par conséquent ceux qui ont disons été influencés par ces connaissances fausses là et erronées, eh bien c'est devenu malheureusement sont devenus malheureusement des gens qui font du tort à leur religion, à leur peuple, à leur nation, et qui aident et qui deviennent un âme dans les mains des ennemis de l'islam et des musulmans pour opposer le bien des musulmans. ولهذا يجب الحذر والتحذير من دخول المدارس الأجنبية التي تدرس فيها هذه العلوم الضارة وخصوصا لمن لا معرفة لهم تامة بالدين ولا بصيرة لهم فيه فكيف يرضى من عنده دين وعقل أن يضع ولده وفلذة كبده ويسلمه لمدارس أجنبية قد علم عداؤها لدين الإسلام بل لجميع الأديان ولم تؤسس إلا لصد الناس عن دين الله وتوحيده. Donc le cheikh il explique, il dit c'est pour cette raison qu'il faut faire attention, être sur nos gardes et mettre en garde contre le fait de laisser entrer nos enfants dans les écoles étrangères, les écoles des koufars, qui enseignent ces sciences qui sont nuisibles. En particulier, de laisser entrer des enfants qui n'ont aucune connaissance complète de la religion, ni aucune compréhension de la religion. Alors comment celui qui a une raison, une religion et une intelligence, comment est-ce qu'il pourrait placer son enfant, le fruit de son de son foi, hein, une expression, yani, wa alaykoum salam, il le met dans ces écoles étrangères, écoles des koufars, alors qu'il sait l'animosité, hein, que les gens qui ont établi cette école ont, l'animosité qu'ils ont contre la religion de l'islam. Hein? Et contre toutes les religions même. Hein? Et comme il y a un frère qui me disait la semaine passée que si un enfant dans certains pays musulmans va dans l'école nationale ou l'école du pays, ou une école musulmane dans son pays, et que plus tard il termine, s'il veut faire des études supérieures en dehors, dans un pays occidental, il ne sera pas accepté parce que son diplôme n'est pas reconnu. En voulant dire qu'il faut qu'il ait un diplôme d'une école étrangère qui est dans son pays, qui est reconnue par le pays en question ou par des pays occidentaux pour qu'il puisse continuer ses études et faire des études supérieures par la suite. Donc ça veut dire que, en réalité, c'est un programme, c'est un plan calculé, hein, orchestré, bien organisé, dans le but de faire en sorte que les enfants musulmans deviennent, hein, à la longue, des gens qui n'ont aucune connaissance de leur religion et qui n'ont aucune base dans leur religion et qui vont revenir dans leur pays d'origine s'ils reviennent pour travailler contre les intérêts de l'islam et contre les intérêts des musulmans. Hein? Illa man rahim Allah, excepté celui à qui Allah a fait miséricorde. Donc il faut voir la grande majorité, il ne faut pas voir les exceptions. Quelqu'un va dire, ah, mais moi je suis allé étudier en Occident et j'ai gardé ma foi et je suis sur l'islam et je continue à défendre ma religion et à dire là, hein, que je suis musulman. Oui, alhamdoulillah pour toi, barakallahu fik. Ça c'est bien. Mais ça c'est toi, tu es une personne parmi combien? Donc il ne faut pas voir juste l'exception là à la règle. C'est pas ça qui fait la règle. Hein? Ou bien on dit l'exception fait la règle. Pourquoi? Parce que la grande majorité, ils sont perdus. Hein? Combien de jeunes filles musulmanes qui vont dans ces écoles étrangères-là vont se voiler, pratiquer la salat, pratiquer l'islam? Hein? Est-ce que ces écoles vont les encourager à ça? Au contraire! Hein? Et je me rappelle, une fois, j'écoutais une émission à Radio-Canada. Et vous savez, le Canada, ils ont beaucoup d'intérêt dans les pays africains, dans d'autres pays. Et puis, des fois, ils font des émissions spéciales. Par exemple, ils vont dans des écoles étrangères, justement, dans des pays africains. Ils rencontrent des élèves et puis ils font des émissions avec eux pour leur poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez à tel sujet? Et ils leur posent des questions sur des sujets qui sont des sujets de controverse pour les koufars. Hein? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du droit des femmes, que la femme est égale à l'homme? Qu'est-ce que vous pensez sur l'idée que, par exemple, la démocratie? Qu'est-ce que vous pensez sur l'idée que, par exemple, la laïcité, il faut séparer la religion de la politique ou de la vie. Et eux, ces enfants-là, qui ont été éduqués dans leurs écoles et qui sont remplis de ces idéologies-là, peut-être même que leurs parents aussi, eh bien, ils répondent exactement ce que ces gens-là veulent entendre. Alors, quand ils entendent ça, ils ont dit, ah, on a fait un bon travail. On a réussi à bien laver le cerveau de ces enfants-là pour les faire devenir comme on veut. Hein? Donc, ils ont été bien programmés pour être d'accord avec nous, puis hein, défendre nos intérêts dans ces pays-là. Et c'est devenu, quand tu regardes par exemple les pays occidentaux maintenant, la démocratie, c'est devenu un dogme. L'égalité homme-femme, c'est devenu un dogme. Et toutes ces idées-là modernes, la laïcité, c'est devenu des dogmes. Dans le sens qu'ils ne vont même pas argumenter avec toi s'ils ne sont pas d'accord. Ils vont te dire, ah, tu es contre la démocratie. C'est comme si tu étais sur la liste noire. On t'a bloqué. Hein? Tu as été classé déjà. On ne va pas essayer de te prouver que la démocratie, c'est quelque chose qui mérite d'être respecté ou que ça doit être appliqué ou non, ou amener des arguments pour défendre la démocratie. Non, ça, eux pour eux, ça y est, c'est un fait établi. Il n'y a pas de discussion. Soit tu l'acceptes ou bien sinon tu n'es plus une personne respectable. Hein? Alors que c'est la charia d'Allah qui est comme ça. C'est seulement la loi d'Allah qui est à ce niveau que tu l'acceptes ou bien sinon tu es rejeté. Hein? Et encore là, même la charia d'Allah, si quelqu'un il a des questions ou des choses qu'il ne comprend pas ou qu'il veut comprendre, eh bien c'est notre devoir de lui clarifier les choses et de lui expliquer. Mais eux, pour eux, il n'y a pas d'explication nécessaire, il n'y a pas d'argumentation même. Et de toute façon, même, tu vois par exemple parmi leurs penseurs ou leurs philosophes, il y en a même parmi eux qui critiquent la démocratie. Il y a beaucoup de penseurs occidentaux qui écrivent même des livres pour discréditer la démocratie, pour dire que c'est pas un bon système. Et eux, ils ont le droit de le dire, parce qu'ils sont dans la même ligne, en voulant dire, OK, eux, ils ont le droit de critiquer notre système parce qu'ils font partie de notre système. Mais si c'est un musulman qui critique ça, non, lui, il n'a pas le droit, parce que tu es musulman, tu n'as pas le droit de critiquer la laïcité. Et des fois, j'écoute qu'est-ce qui se passe en France maintenant, et je me dis, mais ces gens-là, ils sont devenus complètement fous ou quoi? Non, mais je te dis, juste pour te donner l'exemple de la France, parce que c'est là-bas que ces gens-là font le plus de bruit en ce moment. Eh bien, subhanallah, tu dis, ces gens-là, ils sont en train de dire qu'ils sont pour la liberté de croyance, la liberté de conviction, la liberté de culte, hein? La liberté de conscience et la liberté d'expression. D'accord? Puis ensuite, quand ils parlent aux musulmans, c'est comme s'ils leur disent, soit vous êtes laïque, ou soit on vous fout à la porte, on vous met dehors. Hein? Soit vous êtes d'accord avec la laïcité, ou bien sinon vous êtes, il y a un des terroristes. Si tu n'es pas d'accord avec la démocratie, tu es un terroriste. Et ainsi de suite. Hein? Alors que si vraiment ces gens-là, ils étaient soi-disant véridiques par rapport à leurs propres principes et qu'ils croyaient réellement en leurs principes, eh bien, ils n'allaient pas forcer quelqu'un à être d'accord avec eux, hein? Ou lui imposer d'être d'accord avec leurs idées. Comme si en voulant dire, si tu n'es pas laïque, ou si tu n'es pas d'accord, ou si tu critiques la laïcité, eh bien, tu ne peux pas rester chez nous. On t'interdit. Et tu n'es pas d'accord avec la démocratie, on t'interdit. Et tu n'es pas d'accord avec l'égalité entre l'homme et la femme, on t'interdit. Où est-ce qu'elle est la liberté? Où est-ce qu'elle est la liberté d'expression? Où est-ce qu'elle est la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'expression? Où elle est où? Il n'y en a pas. Tout ça, c'est du vent en réalité. Parce que eux, ils ont pris pour acquis que tout le monde va être d'accord avec ces principes-là. Et que tous les immigrants, les musulmans qui viennent dans leur pays pour s'installer, vont être à genoux, à quatre pattes, prosternés devant eux et devant leurs principes. Mais quand les musulmans disent, non, nous, on est musulmans, on ne peut pas se prosterner devant vous, on ne peut pas se prosterner devant vos principes, on se prosterne seulement devant Allah. Et on n'obéit que dans ce qui ne contredit pas la loi d'Allah. Et on respecte les règles tant que ça respecte ce que l'islam nous a enseigné. Et si vous nous ordonnez de désobéir à Allah et à son messager, on ne peut pas vous obéir. Là, ça les dérange. Parce que dans l'islam, il y a un principe clair, c'est qu'il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. Peu importe. Hein? Donc le cheikh, il dit, donc comment tu vas donner ton enfant à des écoles? Tu sais que ces écoles-là sont des ennemis de ta religion et les ennemis de toutes les religions. Et qu'ils n'ont établi et installé ces écoles que pour obstruer le chemin des gens vers la religion d'Allah et vers son tawhid. Est-ce que tu as une intelligence et une raison? Est-ce que nous, les musulmans, on est devenus à ce point matérialistes qu'on va donner une priorité à l'obtention d'un diplôme sur l'obtention du paradis? Le diplôme de la dunya, il vaut plus que pour toi que le paradis éternel et l'au-delà. Hein? Allah al-Musta'an. Donc il y a beaucoup de parents, ils sont devenus inconscients. On dirait que leur cerveau, là, on leur a complètement enlevé. On leur a mis dans leur tête, au lieu d'un cerveau, on leur a mis juste de l'argent dedans. Tout ce qu'ils pensent, c'est l'argent. Et ils pensent que l'avenir de leurs enfants, c'est seulement là, par le diplôme et par les postes et la position sociale. Le cheikh, il dit, « Wa kayfa yuslimu l'aqil mawliyahu mawliyahu wa huwa khalil khalid dhihn min at-ta'alim ad-diniyya wa min al-akhlaq al-murdiyya ila haula alladhina yahshuna dhihnahu أو يحشون ذهنه بالإلحاد والتشكيكات والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي بتعليمهم ما ينفعهم وتهذيب أخلاقهم فمن لم يعلمهم العلوم الدينية ولم يقومهم بالأخلاق أو لم يقومهم بالأخلاق والآداب المرضية فإنه لم يمتثل ما فرض الله عليه من جهتهم. Donc ici le cheikh il explique que comment tu peux donner donc comment la personne intelligente peut donner son enfant qui est sous sa responsabilité alors que son esprit est vide des enseignements de l'islam, de la religion, il n'a pas encore une connaissance suffisante. Hein? Pour affronter les kuffars. Moi, je me rappelle, quand j'ai fini le secondaire et j'ai commencé le cégep, on avait des cours de philosophie. On nous donnait ici au Québec, on a des cours obligatoires au cégep, des cours de philosophie. Et tous les profs de philosophie en général, la plupart sont des athées. La plupart sont des athées. Ils ont une opposition à la religion et en particulier à l'islam. Moi, je vous dis, par exemple, juste pour vous donner un exemple, quand j'étais au secondaire, avant d'être musulman, je crois que j'étais à l'époque en secondaire 2, ou en secondaire 2 ou 3, et j'avais un professeur j'étais en éducation religieuse, parce qu'on avait l'enseignement religieux dans les écoles catholiques, et quand j'étais dans la classe, je me rappelle, le professeur, il faisait que critiquer l'islam et les musulmans. Et il disait que des mensonges sur l'islam tout le temps. Mais moi, à l'époque, je ne connaissais rien de l'islam. Et je ne savais rien de la religion musulmane. Alors je l'entendais, il disait, les musulmans, ils croient même pas en Dieu, ils croient en Allah. Comme si pour eux, Allah et Dieu, c'est deux personnes différentes. Et ils ne croient pas en Jésus, ils croient juste en Mohammed. Donc pour eux, Jésus, c'est Dieu. Donc si tu dis à un chrétien que tu crois pas en Jésus, ça veut dire que tu crois pas en Dieu. Vous comprenez? Et en même temps, si tu leur dis que tu crois pas en Jésus, eh bien déjà ça c'est faux, parce que les musulmans, on croit en Jésus. Mais on ne croit pas en Jésus comme étant Dieu ou fils de Dieu. Mais eux, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu ou fils de Dieu, ça veut dire que pour eux, tu n'as pas cru en Jésus. Vous comprenez? Après, ils disent... Et les musulmans, leur religion, c'est comme ça. Si tu voles, on te coupe la main. Hein? Si tu fais l'adultère, on te lapide. Ils disent ça aux jeunes là, à l'école, sans explication, sans détail, sans clarification. Et puis, ils disent ça pour faire peur. Donc, imaginez, si tu es chrétien, on te remplit de mensonges à propos de l'islam et des musulmans. Et on te fait peur à propos de l'islam et des musulmans de cette façon. Alors, qu'est-ce que tu vas penser de l'islam et qu'est-ce que tu vas penser des musulmans par la suite? Hein? Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez que les pays occidentaux ont une opposition ou une haine envers les musulmans. Depuis l'enfance, on leur enseigne de détester l'islam et les musulmans. Donc imaginez l'enfant qui est musulman, qui va dans ces écoles-là et qui entend son professeur se moquer des musulmans et de l'islam et dénigrer l'islam et les enseignements de l'islam devant toute la classe. Et lui, il n'a même pas le minimum de connaissances pour être capable de savoir qu'est-ce que c'est sa religion. Soit il va se mettre à avoir des doutes en l'islam. Parce qu'il ne sait pas ce que le prof dit, si c'est vrai ou faux. Ou bien il va commencer à se sentir honteux et se renfermer sur lui-même. Ou bien il va commencer à nier sa religion. Pour dire, ah, mais si c'est ça l'islam, moi je ne veux pas être comme ça, j'ai peur de me faire dénigrer ou insulter par les autres. Eh bien, c'est comme ça. Pas seulement, dites-vous, ce n'est pas seulement dans les cours d'enseignement religieux que les professeurs disaient des choses comme ça, dans les cours de littérature, les cours de philosophie. Hein? Les professeurs, j'ai fait un stage dans une école et le professeur, il faisait lire aux élèves un roman qui se passe en Afghanistan, je ne sais pas c'est quoi, les enfants avec les cerfs-volants, je ne me rappelle plus même du titre de l'histoire. Et quand ils font lire aux élèves ce genre d'histoire-là, ils en profitent pour critiquer parce qu'ils parlent de l'Afghanistan, donc ils vont dire là-bas, hein, ils veulent appliquer la charia, la charia c'est ça, puis ça c'est, ils veulent empêcher les femmes d'avoir la liberté, ils veulent ci, ils veulent ça. Toi, tu es un élève musulman, tu es dans cette classe-là. Tu écoutes ce prof qui dit que des mensonges et qui déforme la réalité. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Mais toi, imaginez le parent là qui est à la maison ou à son travail, il envoie ses enfants dans cette école-là en pensant qu'il s'en va pour apprendre des choses bénéfiques pour lui, pour sa vie, mais qui ne fait que en fait être détruit jour après jour dans sa croyance et dans sa religion. Et il s'assoit dans ces classes-là en train de se faire démolir intérieurement. Hein? Et les autres élèves qui se tournent vers lui en disant, ah, c'est ça ta religion. Et lui qui ne peut même pas se défendre parce qu'il ne connaît rien. Et même s'il connaissait quelque chose, hein, du moment qu'il voudrait essayer de clarifier ou de défendre, le professeur lui dit, écoute, ce n'est pas le moment de débattre ici, on n'est pas ici pour ça. Donc, en d'autres mots, tu entends le faux et tu dis rien et tu fermes ta bouche. Hein? Donc les parents musulmans qui envoient des enfants, ces enfants-là, dans des écoles comme ça, il y a un problème. Hein? Et d'un côté, on dit, bon, dans certains pays, il y a des écoles musulmanes, hein, donc c'est mieux. Mais dans certaines écoles musulmanes, il ne faut pas penser que juste parce qu'on a mis le nom ou le mot musulman devant l'école, que ça veut dire que c'est nécessairement des vraies écoles musulmanes. Beaucoup de ces professeurs qui enseignent dans ces écoles-là, même l'administration, sont probablement des fois pas sur un islam qui est clair. Et beaucoup d'entre eux suivent des groupes ou des tendances ou des formes de hizbiya. Hein? Il y en a des écoles, des fois c'est des écoles chiites. Il y en a des écoles, c'est, à Montréal, il y a des écoles chiites, des écoles d'Ahbash. Beaucoup d'écoles, c'est des écoles, c'est des Ikhwan dedans. Et les professeurs qui sont dans ces écoles-là, leurs croyances et leurs comportements et leur attitude est plus nuisible parfois que le comportement de certains parmi les juifs et les chrétiens. Hein? Imagine ton prof est un chiiri, rafidi. Hein? Il enseigne à tes enfants. Peut-être qu'ils leur apprennent la aqida ash'ariya, ou ils leur apprennent la aqida des shi'a rafida, ou bien d'autres bid'a encore. Hein? Ça fait un problème. Tu vas dire, mais c'est une école musulmane, au moins ils font la salat. Mais si on leur détruit leur aqida et qu'ils apprennent des khurafat et des bid'a, c'est pas mieux. Hein? Au moins dans l'école des kuffars, il va savoir que c'est des kuffars. Mais dans ces écoles-là, ils vont dire, mais c'est des musulmans comme moi. Hein? Il va peut-être accepter le faux, parce qu'il dit, il se dit que c'est des musulmans. Vous voyez dans quel problème on est? Ça, c'est encore plus grave que l'école chrétienne. Il y en a d'un certain point de vue, oui. Mais d'un certain point de vue, non. C'est que c'est des situations qui sont compliquées. Hein? Donc, tout ça, le cheikh, il explique, il dit... Donc il dit, Allah Azza wa Jal, hein, il nous ordonne donc, dans le verset, dans Surat At-Tahrim, le verset 6, il dit, ô vous qui avez cru, sauvez vous-même et vos familles du feu, hein, dont le carburant sera les hommes et les pierres. Ô les hommes, sauvez vous-même en premier, et vos familles du feu dont le carburant sera les hommes et les pierres. Et le cheikh, il dit, la façon dont tu dois les sauver, c'est en leur enseignant ce qui est bénéfique pour eux. Et en améliorant leur comportement, en les éduquant, hein, à avoir le bon comportement. Donc celui qui n'a pas enseigner les sciences religieuses à ses enfants et à sa famille, et qui n'a pas transmis à ses enfants le bon comportement et les belles manières, et qui n'a pas mis en pratique, donc s'il n'a pas fait ça, il n'a pas mis en pratique ce que ce verset-là nous enseigne. Hein? Donc tu vas pas envoyer tes enfants vers des gens qui vont mettre dans leur esprit l'athéisme et les doutes. Allah al-Musta'an, il dit, fa kayfa ma'a hadha idha sa'a fi ta'lim al-ulum ad-darra wal-akhlaq ar-radila fa hadha min a'zam jurman wa aqalluhum deenan wa akbaruhum ithman bal min ad'afihim 'aqlan fa innal awlad akbaru maghnam min ومكسب للإنسان فكيف يرضى عاقل أن يفوت هذا المغنم ويخسر أولاده خسارة لا تجبر فإن الإنسان إنسان بدينه وأخلاقه فإذا ذهب الدين والأخلاق صار أضل من الأنعام. Donc le cheikh il dit, donc comment ils vont enseigner tes enfants, hein, ils vont enseigner à tes enfants des choses qui opposent la religion. Ils vont leur mettre des doutes en la religion. Alors comment toi, yani, tu vas faire des efforts pour les envoyer dans ces endroits-là. En plus, il leur enseigne des sciences naturelles ou des sciences de la dunya qui sont nuisibles. Et ils vont leur enseigner aussi des comportements qui sont des comportements vils, hein, disgracieux et laids. Parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qui se passe dans ces écoles. Entre les élèves, beaucoup de parents musulmans, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il y a dans les écoles? Toi, tu es allé à l'école ici, secondaire? Oui? Primaire aussi? Bon. Tu sais qu'est-ce qui se passe entre les garçons et les filles? C'est des écoles mixtes. Hein? Il n'y a pas beaucoup de... C'est rare les garçons et les filles qui n'ont pas des copines à l'école ou des filles qui ont des copains à l'école. Même des filles musulmanes. Hein? Et des garçons musulmans qui sortent avec des filles et des filles musulmanes qui sortent avec des garçons. Et si ce n'est pas parfois des filles qui sortent avec des filles et des garçons qui sortent avec des garçons? Parce que dans les écoles des koufars maintenant, ils font la promotion de l'homosexualité. Et ils encouragent ça. Et ils disent aux enfants que ça c'est normal, qu'il n'y a aucun mal là-dedans, qu'il n'y a pas de problème, hein? Que ça fait partie des expériences de la vie. Hein? Et il leur enseigne la contraception, il leur enseigne toutes sortes d'autres choses. Ils leur disent que yani, le zina, c'est pas un péché. Il n'y a pas de mal. Zina, c'est pas un péché, c'est l'expérience amoureuse. Hein? Il n'y a pas de mal d'avoir un petit copain, une petite copine, de faire des expériences, hein, d'essayer des choses. Oui. Et ils ont des cours d'enseignement sexuel. Hein? Vous savez que moi, ça, c'est rentré. Il y a certains parents maintenant qui disent ça à leurs enfants. Bon, si les parents ils disent ça à leurs enfants, c'est parce qu'il y a beaucoup, de parents musulmans. Ils ont un complexe d'infériorité énorme. Et quand ils vont s'asseoir avec des koufars, hein, ils se sentent obligés de leur parler pour leur faire plaisir et de les conforter dans leur croyances et dans leurs idéologies. Alors ils vont essayer de leur montrer qu'ils sont d'accord, parce que pour eux c'est une ouverture d'esprit, c'est pour montrer qu'on est ouvert, qu'on est, hein, tolérant, qu'on est modéré, pour leur faire plaisir, alors que tout ça c'est de l'égarement total. Donc, n'aie pas peur de les frustrer ou de les froisser dans leurs idées. N'aie pas peur de leur montrer que tu n'es pas d'accord avec eux. Parce que tu ne leur dois rien. Tu ne leur dois rien du tout. Alors, sois toi-même. Sois courageux. Sois un homme, sois une femme de foi. Hein? Si tu vois un kafir qui te dit quelque chose qui est faux, qui est contraire à la religion, dis-lui, non, ça pour nous c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça, on est des musulmans. Et même si ça les frustre, tant pis. On leur doit rien. Hein? Et au jour de la résurrection, on sera debout, fier. Tandis que là, si tu agis comme ça, tu veux être complaisant avec eux, tu veux les conforter dans leur coffre, dans leur péché, dans leur déviation, tu t'humilies devant eux, tu te rabaisses. Et eux, ils perdent tout le respect qu'ils ont pour toi. Tandis que si tu te tiens ferme sur tes principes devant eux, même si ça les frustre, mais au moins ils vont savoir, lui, il a une colonne vertébrale. Lui, il a une conviction, il a une croyance. Il se tient sur ses principes. Il ne remet pas en question ses croyances pour me faire plaisir. Donc c'est quelqu'un qui a de la valeur, qui a du respect. Et les koufars, ils respectent ça. Même si ça les dérange, Mais au moins, il respecte ça parce qu'il dit, lui, il sait qu'est-ce qu'il veut, il sait qu'est-ce qu'il fait et il n'essaie pas d'être complaisant pour me dire ce que je veux entendre. Hein? Il sait que tu es une personne véridique et franche. Et il n'y a personne qui peut manquer de respect envers une personne qui est comme ça. Mais si tu essaies d'être complaisant, d'agir juste pour te faire accepter, hein, comme une larve, hein, comme une limace, tu n'as aucune personnalité, aucune force de caractère, aucune dignité, comment quelqu'un va te respecter? Même les koufars, ils ne vont pas te respecter si tu agis comme ça. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent t'acheter. Hein? N'importe quel argent qu'il te donne, il sait que tu es dans sa poche. Hein? Il t'a dans sa poche. Alors que si tu es ferme sur ta aqida, même les millions, ça ne va pas changer ta position pour que tu puisses leur faire plaisir. Ils savent qu'ils peuvent pas t'acheter. C'est pour ça qu'ils aiment les ikhwan, les koufars, même s'ils parlent contre les ikhwan. Mais ils travaillent avec les ikhwan et ils aident les ikhwan. Pourquoi ils les aident? Parce que les ikhwan, ils peuvent être achetés. Depuis qu'ils ont quelque chose de position ou de l'argent, ils changent leur da'wa. Et tu les vois qui commencent à dire, oui, on n'a rien contre la laïcité. On est d'accord avec l'égalité homme-femme. Le niqab, ça ne fait pas partie de l'islam. Tout ce que les koufars veulent entendre, ils leur disent. Le riba, non, ce n'est pas haram. Hein? Mais le salafi, non. Le salafi, il reste sur ses principes. Et même s'il fait des péchés, il reconnaît que c'est haram. Il ne va pas dire, pour se justifier, ou pour se faire accepter, ou pour se donner bonne conscience, oui, c'est halal. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas admettre qu'il est dans le tort ou qu'il fait un péché. Non. Même si c'est contre toi, tu dis la vérité. Même si c'est contre toi, tu dis, c'est haram, oui, j'avoue. Ce que je fais, c'est haram. Je demande pardon à Allah et que Allah m'aide à débarrasser de ce péché-là et à me repentir et à changer. Mais je ne veux pas rendre halal ce qui est haram juste pour me donner bonne conscience. Hein? Parce que c'est la religion d'Allah, c'est pas à moi. C'est pas ma propriété, c'est pas mon... Hein? Ça m'appartient pas, je ne peux pas faire ce que je veux avec. Alors, c'est ça la réalité de qu'est-ce qui se passe dans ces écoles-là. Puis toi, tu envoies tes enfants là-dedans. Il dit le cheikh, donc comment une personne qui est intelligente, il va faire perdre, hein, cette richesse que Allah lui a donnée, qui est ses enfants. Hein? Ce n'est pas de les perdre physiquement, hein, dans le sens qu'ils vont mourir ou bien qu'ils vont disparaître. Non, mais il les perd parce qu'ils ne seront plus sur la foi, sur la guidance. Ils deviennent une malédiction pour les parents quand ils deviennent koufars, quand ils deviennent perdus et égarés. Hein? Tes enfants, s'ils deviennent koufars, si tu meurs, tu penses qu'ils vont faire des douas pour toi? Et même si les enfants, est-ce qu'Allah va les accepter s'ils sont koufars? Hein? Donc ça, c'est important. Et donc le cheikh, il dit, comment une personne intelligente peut faire donc perdre cette richesse qui sont ses enfants? Il les perd d'une manière qui ne peut jamais être compensée. Et l'être humain, il n'est seulement qu'un être humain par sa foi et par son comportement. Et s'il perd sa religion et s'il perd son comportement, il devient plus égaré qu'un animal. C'est la vérité. Et peut-être que le cheikh, il dit, وربما وجد هؤلاء الآباء الذين رضوا لأولادهم التعلم في المدارس الأجنبية نموذج ما عملوه معهم معجلا ربما احتقروا آباءهم كما احتقروا غيرهم فإن قلوبهم مملوءة كبرا وتيها واحتقارا لغيرهم كما قال تعالى في مثل هذه العلوم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. Il dit peut-être que les parents même qui ont envoyé ces enfants-là pour aller étudier dans ces écoles étrangères, ils ont déjà goûté à un petit exemple de ce comportement mauvais, hein, de ces enfants-là, parce que peut-être même qu'ils vont même mépriser leurs propres parents par la suite. Et ils vont mépriser leur propre communauté, hein, et leurs proches, parce qu'en voulant dire, ah, ils savent rien, ces gens-là. Ils n'ont pas été éduqués, ils ne connaissent pas rien, ils ne connaissent pas la science moderne. Hein? Donc, leur cœur est rempli d'orgueil et de mépris envers les autres musulmans. Il y en a beaucoup comme ça. Surtout ceux qui sont venus étudier ici, en Occident, qui sont retournés par la suite là-bas. Ils regardent les autres comme si c'était des inférieurs. Hein? Ah, mais ça, c'est des gens inférieurs, c'est des peuples retardés. Moi, je suis plus évolué que eux, je suis plus intelligent que eux. J'ai étudié en Occident, j'ai un diplôme doctoral, je suis ici, je suis ça. Hein? Je suis civilisé, ça c'est des gens incivilisés. Et Allah Azzawajal, il exprime ça par rapport à ceux qui, justement, recherchent ce genre de science. Hein? Et il mentionne dans le verset 56, dans Sourate Ghafir, il dit, ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine que l'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Hein? Donc ça, c'est pour dire que ces gens-là, c'est la réalité. Ils ont l'orgueil. Et l'autre verset que le cheikh a cité encore dans Sourate Ghafir, le verset 83, « فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ » وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ hein? C'est-à-dire que lorsque leurs messagers leur sont venus avec les preuves claires, ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science. En voulant dire, hein? C'est-à-dire les messagers, ils sont là en train de, les prophètes et les messagers, ils sont venus vers eux avec les preuves claires venant d'Allah, et eux, ils disent, nous, on a la science, on n'a pas besoin de vous. Hein? On connaît l'astronomie, on connaît les mathématiques, on n'a pas besoin de prophètes, de messagers. Hein? Donc les mathématiques, ça va te faire rentrer au paradis. Hein? C'est ça qui va te faire rentrer au paradis. J'ai dit, une fois, il y a un frère ici, il est venu dans la mosquée. Je commençais à expliquer, je donnais un cours au sur le Talat, hein? Et lui, il commence à me sortir. Il me dit, moi, je fais un doctorat en mathématiques. Est-ce que tu peux, comme si, ça serait mieux si tu enseignais la religion avec les mathématiques, comme ça, tu peux convaincre les athées, et puis des choses comme ça. Il dit, mais de quoi tu parles? Est-ce que Allah, Azzawajal, quand il a envoyé les prophètes et les messagers, ils sont venus enseigner aux gens les mathématiques pour les convaincre? Et ça, c'est n'importe quoi. Les gens sont devenus fous. Illa man rahim Allah. Et donc, le cheikh, il dit, certes, hein, et il cite le verset dans Sourate Al-Ghafir, hein, lorsque leur messager leur apportait les preuves évidentes, ils se réjouissaient des connaissances qu'ils avaient. Et ce dont ils se moquaient les enveloppa. Donc, aujourd'hui, les koufars, l'Occident, ils sont contents de leur développement technologique et de toutes les sciences qu'ils ont développées, hein? Et tous les centres de recherche et de développement hein, qu'ils ont dans le monde. Ils sont dans le top dans toutes les universités du monde. Hein? C'est eux qui sont disons, au devant de la recherche. Et bien souvent, avec des étudiants et des élèves musulmans. Parce que beaucoup des gens qui viennent étudier dans les universités occidentales, beaucoup, beaucoup d'entre eux sont des chercheurs qui sont musulmans. Hein? Mais quand tu leur viens avec les preuves du Coran et de la Sunna, ils disent, ah, nous, on n'a pas besoin de ça. On a la science de la dunya. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver au jugement dernier. C'est pas ça qui va te sauver du hein, châtiment de l'enfer. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Et de plus en plus de parents musulmans, ils viennent par exemple vivre ici, s'installent ici au Canada, ou en Europe ou en Amérique. Ils disent, je veux garantir un bel avenir pour mes enfants, je veux sécuriser l'avenir de mes enfants pour qu'ils aient un meilleur avenir plus tard. Et ils disent à leurs enfants, est-ce que tu sais tous les sacrifices qu'on a faits pour toi, de te faire étudier ici, de venir ici pour que tu puisses étudier, pour que tu puisses avoir un diplôme, pour que tu puisses avoir un poste, ici et ça? C'est bien d'étudier, d'avoir un poste, mais à quel prix? Et si ça affecte ta foi et ta religion, est-ce que ça vaut la peine? Hein? Donc, et en même temps, garantir l'avenir, c'est seulement Allah qui peut garantir l'avenir. Ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les pays de kofr qui peuvent garantir l'avenir. Je me rappelle, yani, subhanallah, une femme, des fois j'allais manger dans un restaurant sénégalais, et puis il y a une dame là-bas qui aidait la femme là, du restaurant, et son mari était décédé. Et son mari est décédé, il a eu son diplôme de médecine. Donc ça a dit pendant des années, il a étudié, étudié, étudié, étudié pour devenir médecin. Et cette femme, elle a dit, bon, j'ai trouvé le gros lot, hein, comme on dit, parce que j'ai marié un médecin, mon mari va devenir médecin, donc je vais avoir la belle vie. Hein, je vais pouvoir avoir tout parce qu'il va travailler, il va faire beaucoup d'argent, donc je vais vivre dans l'aisance. Et quelques temps après qu'il a eu son diplôme de médecine, il est mort. Elle n'a rien eu. Il n'a même pas pu travailler. Probablement, il n'a même pas payé ses dettes d'éducation, là, s'il avait pris des prêts. Donc, tout ça pour dire, ton avenir, c'est seulement Allah Azzawajal qui peut le garantir, personne d'autre. Donc, calcule pour ton au-delà avant tout. Je ne dis pas, faites pas des études. Je ne dis pas, étudiez pas, essayez pas d'avoir un bon travail ou une belle position dans la dunya. Je ne dis pas ça. Mais je dis, en même temps aussi, faites attention les dangers, hein, qui sont autour de ça, et en même temps, essayez de faire attention à ce que ces choses-là ne deviennent pas un piège et que ça vous fait. Que ça vous fasse tomber dans l'égarement et que ça vous fasse perdre vous-même et vos enfants. Il y a des jeunes là qui viennent étudier ici, de l'Afrique et d'ailleurs. Ils tombent dans la drogue, ils tombent toutes sortes d'autres problèmes. Bon, il y a celui-là, mais il y a d'autres aussi. Il y en a qui viennent ici, ils disent à leurs parents qu'ils étudient, ils sont même pas inscrits à l'université. Et ils disent à leurs parents là-bas, oui, j'étudie, je suis à l'université, je vais tous les jours. Et il y a quelque temps, il y a un frère qui m'a contacté, il m'a demandé, il m'a dit, moi et mon frère, on est ici, on étudie, on est venu pour étudier, mais mon frère, il va plus aux études, mais il dit à mes parents qu'il continue à étudier quand même. Je connaissais, il y avait un frère, subhanallah, il était ici dans cette mosquée. Et il avait arrêté d'étudier depuis presque un an. Il n'allait plus au cours, plus rien. Et son père, au début, continuait à lui envoyer de l'argent tout le temps pour payer le logement, pour payer les choses. Et puis, il n'allait même plus à l'école. Hein? Et il prenait de la drogue et tout. À un moment donné, il était dans la rue. Il est resté dans la mosquée pendant des mois. Ici, il habitait. Il venait dormir ici tous les jours. Hein? Puis finalement, hein, j'ai rentré en contact avec son père là-bas et je lui ai expliqué la réalité parce qu'il n'était même pas au courant. Mais j'ai réussi à trouver le contact, je l'ai contacté, j'ai expliqué. Et finalement, il est retourné par la suite. Mais ça, c'est juste quelques exemples, mais il y a d'autres exemples encore. Hein? Oui, il est retourné, alhamdoulilah. Donc tout ça pour dire, des fois les parents même, ils sont même pas au courant de qu'est-ce qui se passe. Il y a une fille qui était venue à la mosquée à l'époque quand j'étais sur Jean Talon, à imam là-bas, et elle est venue puis elle m'a dit, mes parents, ils m'ont envoyé ici pour étudier. et j'habite avec mon cousin. Mon cousin, il est marié avec une fille qui n'est pas musulmane. Je ne sais pas si elle n'était pas musulmane ou qu'elle était convertie, en tout cas un ou l'autre. Donc, mes parents m'ont envoyé, ils m'ont dit, tu vas habiter chez ton cousin. Et Annie, elle a commencé à avoir une relation amoureuse avec son cousin. Et ensuite, je pense, je ne sais pas si elle est tombée enceinte ou quoi. Et j'ai dit, ben, pourquoi tu ne te maries pas avec ton cousin, finalement? Hein, En tout cas, tout ça, c'est pour dire que c'est une histoire compliquée. Mais les parents, ils disent, non, il ne peut rien arriver entre ma fille et son cousin parce que c'est un garçon de bonne famille. Et c'est une fille de bonne famille. C'est devenu ça, quelque chose maintenant. Les gens disent, quand tu viens d'une bonne famille, tu es de bonne famille. En voulant dire, tu es de bonne famille, tu es infaillible. Tu ne peux pas faire de péché et tu ne penses même pas au péché. Alors que tu es un être humain. Hein, c'est quoi cette histoire de bonne famille? Hein? Khatta. Hein? Donc ça veut dire maintenant, depuis que tu dis, je suis d'une bonne famille, ça veut dire que je peux faire ce que je veux parce que, en voulant dire, je ne vais pas penser au mal même. Ça veut dire, je suis de bonne famille, même le mal, il ne va même pas venir dans mon esprit. Je ne vais même pas penser à faire le péché. Comment ça? Subhanallah. Tu penses que tu es un prophète? Tu penses que t'es quoi? Un ange? Donc quel parent qui est inconscient au point d'envoyer sa fille étudier dans les pays de Kouf toute seule? Il y en a plein qui font ça. Des jeunes filles qui sont ici, tu les vois. Hein? Puis elles ont cette idée comme si, ah, mais non, les femmes et les hommes, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Hein? Tout ça pour dire, Yani, Allah al-Musta'an, c'est l'inconscience totale. Ça, c'est haram clair. Mais il y a des choses, des fois, on dirait, il y a des choses qui sont tellement grandes et tellement graves que les gens oublient que c'est haram. Hein? Si tu lui dis, je mange un morceau de porc, là, tout de suite, ils vont savoir, non, ça, c'est haram. Mais tu envoies ta fille dans un pays de Kouf, toute seule, pour étudier. Déjà, voyager, tout ça, c'est pas permis. Sans le mahram, ça lui dérange pas. Hein? Et il ne pense pas qu'est-ce qui peut arriver là-bas, cette fille-là. Hein? Et tout ça, tout d'un coup, il s'aveugle même. Non, il ne va rien arriver, tout va bien aller, ça va aller correct. Hein? Oui, il y en a qui savent. Oui, non, c'est ça. Je pense que le diplôme, c'est le paradis. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on continuera petit à petit le sujet là, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et vous allez voir au fur et à mesure, on va sortir plein de points bénéfiques et des leçons et des exemples pour essayer de faire comprendre ce sujet-là important pour que, Inch'Allah, peut-être que certaines personnes vont réfléchir puis revenir à la raison. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.